Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Exode. Tufungule ma Biblia yetu Ezra. Au chapitre 3. Ezra sura ya 3. Prions. Tuombe. Notre Père céleste. Baba yetu wa kumbingu. Tu es l'unique Dieu tout-puissant. Mungu peke yako, Mungu mwenye uwezo wote. Le seul rédempteur. Peke yako ndio mwokozi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tunakushukuru kabisa. Pour Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Juu ya Yesu Kristo ule ulitutumia. Comme un sacrifice et une offrande de bonne odeur. Sawa sadaka ya harufu njema. Afin de verser le sang, son sang pour nous racheter. Ili apate kumwanga damu yake na kutukomboa. Pardonne nos péchés et nos iniquités. Usamehe maovu yetu na dhambi zetu. Ce matin nous sommes ici pour étudier ta parole. Asubuhi ya leo tuko hapa juu ya kusikia neno lako. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Kwani tuko watoto ya malako. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tunakuomba mchina Yesu Kristo. De bénir chaque frère, chaque sœur. Ubariki kila nduku na kila dada. Et de bénir la parole qui sera lue. Na ubariki neno itasomewa. Donne-nous un entendement. Meilleur, pour que nous puissions y saisir ta pensée. Sauve-nous Seigneur, sanctifie-nous, dirige-nous, tout pour la gloire de ton nom. Tu connais nos problèmes Seigneur, accorde à chacun de nous une solution appropriée pour qu'ils vivent dans la paix. Merci Seigneur. Asante Bwana. Sois glorifié. Utukuzwe. Du début de ce culte à la fin. Mwanzo na mwisho wa ibada. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Ezra. Chapitre 3. Sura yake 3. Commençons au verset 1. Kuanzia mstari ya kwanza. Le septième mois arriva. Mwezi ya saba ikafika. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Na watoto wa Israeli walikuwa mumiji yao. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Na watu wakakusanyika sawa mtu mmoja kule ku Yerusalema. Josué, Joshua, fils de Jodak, mwana wa Jodak, avec ses frères les sacrificateurs, pamoja na bantu kuyani bakuani, et Zorobabel, fils de Shamatiel, na pamoja na Zorobabel mwana wa Shamatiel, avec ses frères, pamoja na bantu kuzake, s'élevèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël. Wakalamuka na kuyenga mazabu ya Mungu wa Israeli. Pour y offrir des holocaustes. Juu ya kutoamo mazabihu. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Kufuatana na yenye kuandikwa msheria ya Musa mtumishi wa Mungu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Wakarudisha mazabu mu misingi yayo. Quoi qu'il ait à craindre le peuple du pays. Ata vile uko batu ya inchi walikuwa naogopa. Non, quoi qu'il ait à craindre le peuple du pays. Ata vile barianza kongopa. Ata vile barianza kongopa bakaji ya inchi. Et y offrir des holocaustes à l'Éternel. Na kutoa mazabihu kwa wa milene. Les holocaustes du matin et du soir. Mazabihu ya asubuhi na ya magharibi. Il célébrait la fête des tabernacles. Walishangilia karamu ya maskani. Il est écrit. Paka vile imeandikwa. Et offrir jour par jour des holocaustes. Na wanatoa siku kwa siku mazabihu. Selon le nombre ordonné pour chaque jour. Kufuatana na wingi ile walitengeneza kila siku. Après cela. Kisha ile. Ils offrirent l'holocauste perpétuel. Walitoa sasa mazabihu ya. Les holocaustes de la nouvelle lune. Mazabihu ya mwezi mupya. Et de toutes les solennités. Na kufuatana ya miaka yote. À l'Éternel. Jua kutolea kwa milele. Et ce de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Na yote ile yeyote alipenda kutoa masadaka ya kusudi mbele ya milele. Dès le premier jour du septième mois, tangia siku ya kwanza mwezi ya saba, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Walianza sasa kumtolea wa milele mazabihu. Cependant, les fondements du temple Dès l'éternel n'était pas encore posé. Wakati ile misingi ya hekalu ya wamilele kwa wale kujengwa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous continuons à parler sur le retour des captifs à Jérusalem. Tungari kinaendelea kusema yulu ya kurudia kwa wafungwa mule mu Yerusalema. Comme nous l'avons déjà dit dans la première expédition, après que Cyrus ait donné l'ordre à tous les Juifs de retourner dans le pays natal, et d'aller y construire la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, Zorobabel et Josué Zorobabel na Yoshua étaient chargés d'encadrer tous les exilés bari bapatia muziko ya kwenda kusaidia bale bote bakimbiba kutoka mufungwa dans le but de rétablir la maison de reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem mukifukuzia bo kuyengulula nyumba ya milele mu Yerusalema. Et comme nous l'avions déjà souligné, lorsque ces hommes de Dieu et ce peuple d'Israël est rentré à Jérusalem, ils n'ont pas commencé d'abord par bâtir la maison de l'Éternel, comme cela était consigné dans l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils commencèrent par rebâtir l'autel de l'Éternel sur ses anciens fondements. Balianzia kwanza kuyenga madhabahu ya milele umisingi yake ya zamani. Et après qu'ils aient rétabli l'autel sur les anciens fondements, kisha kuyenga madhabahu mu misingi yake ya zamani, comme nous l'avons lu ici dans Ezra au chapitre 3, paka vile tunatoka mukuisoma mu Ezra sura 3, les sacrifices, les holocaustes, masadaka na madhabihu furent offerts, c'était pour renouer les relations entre Dieu et son peuple égaré qui était retourné dans la patrie. C'est de cette manière qu'un véritable chrétien doit agir. Tout homme qui vient à Dieu doit avoir premièrement un souci de renouer les relations avec son Dieu. Comme les Juifs l'ont fait ici, ils ont rétabli les relations avec le Seigneur. Ils ont rétabli la communion avec le Seigneur. Cette communion qui était si longtemps interrompue à cause de leur péché. Dieu a eu pitié d'eux. Et Dieu les a retournés dans le pays de la promesse. Et après avoir rétablir l'autel, c'est à ce moment-là qu'ils posèrent les fondements du temple, là où il était auparavant, au milieu des bruits de pleurs et des cris de joie. C'est vrai, frère. Comme nous l'avons montré dans les jours passés, les véritables élus de Dieu, les véritables élus de Dieu, quand ils voient la parole de Dieu restaurée, ils ont une grande joie dans leur cœur. Ils lancent les cris de joie, ils pleurent, parce qu'ils voient la grâce du Seigneur qui fait retour dans leur propre vie. Dans Ezra au chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, nous lisons ceci. La deuxième année, Depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Joktad, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Dans le verset 9, ils préparèrent tous ensemble, Barita, à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Dans son verset 10, tous les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel. On fit assister les sacrificateurs en costume. On fit assister. Ce sont les sacrificateurs qui étaient à la cérémonie pour composer les fondements de la maison de Dieu. Ce n'est pas ça le bon terme. On a invité les sacrificateurs à être là lorsqu'on posait les fondements du temple. Ok, barita bakwani bapate ku ona vile barukwa na weka misingi ya majengo ya hekalu. Vous voyez, munaona? Et les sacrificateurs étaient habillés en costume. Na bakwani barukwa benye kuvaa makoti. Avec les trompettes. Pamoja na maparapanda. Et les lévites, fils d'Asapha. Na balawi batoto ya Asapha. Avec les cymbales. Na ma vyombo vya kulia. Afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordres de David, roi d'Israël. Ili wapate kumushangilia wa milele kufuatana na agizo ya Daudi mfalme wa Israeli. Les sacrificateurs étaient habillés en costume. Bakwani baruko benye kuvaa makoti. Ils étaient habillés proprement. Barivala mzuri kabisa. Avec des trompettes. Nama parapanda. Pour célébrer. Jua kushangilia. L'Éternel. Wa milele. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada yangu. Les hommes de Dieu batumishi ya Mungu doivent s'habiller en vêtements blancs banapashi kuvaa mavazi meupe lorsque la parole de Dieu est apportée. Wakati neno la Mungu inahubiriwa. Les hommes de Dieu batumishi ya Mungu ne doivent pas être tachés abapashi kuenda mataka na madoa lorsqu'ils sont dans l'œuvre de l'Éternel. Wakati ile weko mkazi ya wa milele. Et quand la maison de, quand le fondement de la maison de Dieu fut posé, wakati ile walijenga misingi ya nyumba wa milele, dans le verset 11, ils chantaient. Mstari wa 11 walikuwa naimba. Célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Mkushangilia na mkutukuza wa milele kupitia misemo. Car il est bon. Kwani ni mzuri. Car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Kwani rehema kwa ajili ya Israeli yake iko na dumu milele. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Watu wote walikuwa na lalamika malalamiko ya nguvu kushangilia wa milele. On posait les fondements de la maison de l'Éternel. Kwani walikuwa na weka msingi ya nyumba ya wa milele. Mais plusieurs sacrificateurs et de lévites. Alakini wakuani wa mingi na walawi. Et des chefs de famille. Pamoja na wakubwa wa majamaa. Âgés. Bakubwa. Qui avaient vu la première maison. Wale walionaka nyumba ya kwanza. Pleurer. Walikuwa na lia. À grand bruit. Na malalamiko makubwa. Pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. En sorte qu'on pouvait distinguer les bruits des cris de joie du bruit des pleurs parmi les peuples. Munamna kusema kukuwa namna kuachanisha malalamiko ya furaha na malalamiko ya kulia. Car le peuple poussait des cris, poussait des grands cris. Kwani watu walikuwa nalalamika malalamiko makubwa. Dont les sons s'entendaient au loin. Manake mulilio yao ilikuwa nasikilikika mbali. Oui, bien aimés frères et sœurs. Dio ndugu na dada mpendwa. Israël est de retour. Israël wakati alirudia. L'hôtel fut rétabli. Mazabu bari rudisha. Maintenant les fondements de la maison de Dieu étaient en train d'être posés. Sasa misingi ya nyumba ya Mungu walikuwa naiweka. Tout celui qui s'était reconnu comme enfant d'Abraham, yeyote alijitambua kuwa mtoto wa Ibrahimu, de la race pure, wa kizazi safi, celui qui avait reconnu Jehovah comme son Dieu, ulalitambua Yehova sawa Mungu wake, s'était là dans la joie, alisimama pale na furaha, en train de louer le Seigneur avec beaucoup de joie, na mkusifu Mungu na furaha mingi, et les uns pleuraient, wamoja walikuwa nalia, les uns criaient, wengine walikuwa nalalamika. C'est de cette manière, ni mui namna, qu'on célèbre jovanashangiliaka notre Dieu, Mungu wetu. La parole de Dieu, neno la Mungu, lorsqu'elle est apportée parmi les véritables élus, katikati ya wateule wa kweli, qui se reconnaissent dans ce qui est apporté, wale wanajitambua mwile inahubiriwa, ils écoutent la parole de Dieu, wanasikia neno la Mungu, avec joie, na furaha, les uns pleurent, wamoja wanalia, les autres crient de joie, wengine wanalalamika malalamiko ya furaha, le fondement de la maison de Dieu, na pale misingi ya nyumba ya Mungu, est posé, inayengwa. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, sœur. Bia kweri dada. Mais remarquez une chose. Alakini tazameni kitu kimoja. La chose sur laquelle je veux beaucoup insister. Kitu yulu yayo ntaweka mkazo kabisa. Après le rétablissement de l'autel et du fondement, kisha kurudishwa kwa madhabahu na misingi, au lieu que ces juifs Pali ya Baba Yuda continue la reconstruction du temple, baendele majengo ya ekalu, mais à cause des difficultés alakini kwa ajili ya magumu qu'ils avaient rencontré ile barikutanisha après leur retour dans le pays natal, kisha bokurudia mwinchi yabo ya kuzaligia, ils ont oublié les buts fondamentaux pour lesquels Dieu les avait ramenés à Jérusalem. Barisabu kifukuzio kinye cha msingi kinye Mungu alibarudishia mwinchi yabo. Ils sont bien sûr retournés dans un pays dévasté. Akika barirudia mwinchi ile iliharibika. Il n'y avait pas de ville amukwete na miji construite yenye kuyengwa. Il n'y avait pas de maison amukwete na manyumba où habiter mwabo kuikala. Il n'y avait pas de champ amukwe mashamba où ils pouvaient cultiver. Ile baliwezi kulima. Ils sont rentrés dans leur pays. Barudia mwinchi yabo. Ils vivaient maintenant sur leur terre. Barikuwa naishi mbulongo yabo. Comme presque des mercenaires. Sawa tu batumikie watu ba kutumika ba kutumika mshahara. L'état comme les gens qui travaillent pour un salaire. Sawa bantu benye kutumikia mshahara. L'état était difficile. Birikuwa nguvu kwabo wakati ilikuwa mbaya. La vie était réellement difficile maisha, pour les exilés. Maisha ilibakuya nguvu kwa wale wakimbizi ba vita. Les premiers exilés, wale wafungwa ba kwanza, qui sont retournés à Jérusalem, wale barirudia mu Yerusalem, ont rencontré beaucoup de difficultés. Barikutana magumu ya mingi. C'est vrai. Bia kweri. Ils étaient dans des tourments. Barikuwa katika mangaiko. Mena mwe ils étaient sur leur terre. Ata vile barudia ni mwinchi yabo. Mais ils n'étaient pas retournés. Alakini hawakurudie. pour un intérêt politique. Juu ya faida ya siasa hapana. Ils ne sont pas retournés dans le pays natal. Abakurudie mwinchi yabo kizalikio. Pour un intérêt économique. Juu ya faida. L'église est avec moi. Ya uchumi. Ce n'est pas pour la politique. Aiko juu ya siasa. Ce n'est pas pour l'économie. Aiko juu ya uchumi. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. L'ordre du roi Cyrus était clair. A guise ya mfalme Ahasuero ilikuwa wazi. Quiconque se reconnaît être de son peuple. Yeyote anajitambua kuwa wa ile kabila ya taifa ya Mungu. À Jérusalem. Arudie mu Yerusalem. Pour bâtir le temple de Dieu. Juu ya kuyengulula hekalu ya Mungu. De Dieu d'Israël. Ya Mungu wa Israeli. Qui est à Jérusalem. Yenye kuwa kule ku Yerusalem. L'ordre était clair. A guise ilikuwa wazi. Était précis. Na yenye kueneana. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Ils sont rentrés. Balirudia. C'est pour se réconcilier avec leur Dieu. Ni juu ya kupatanishwa na Mungu wabo. Ils sont retournés. Balirudia. C'était pour restaurer. Ilikuwa juu ya kurudisha. Les cultes. Maibada. Ils sont retournés. Balirudia. C'est pour que la communion ni juu ya ushirika entre Israël et leur Dieu Israël na Mungu soit restaurée. Ipate kurudishwa. Ce qu'ils avaient retourné. Na ndio kinye balirudia. Haikukwe juu ya kitu kingine hapana. Mais arrivé à Jérusalem. Lakini kisha bako kufika mu Yerusalema. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés, c'est bari, vrai. Barikutana na magumu ya mingi ya kweli. Mais quand ils sont arrivés, alakini wakati balifika, à cause de ces difficultés, kwa ajili ya ile magumu, ils ont oublié barisabu, la mission fondamentale, kazi nyewe ya mafa, le but fondamental, kifukusiyo ya musingi, pour lequel kinyewe, ils ont été ramenés kinyewe barirudishiwa à Jérusalem. Mule mu Yerusalema bana kisabu. C'est vrai. Bia kweli. Au lieu de reconstruire la maison de Dieu pour laquelle ils ont été ramenés à Jérusalem à cause des temps difficiles qu'ils traversaient, ils se sont lancés à la recherche des biens matériels pour stabiliser leur vie sociale. Je vous avais promis que j'en parlerai. C'est vrai. Ils ont oublié leur objectif. À cause des difficultés de la vie, ils abandonnèrent l'œuvre de Dieu et ils s'y mirent à la recherche de la stabilité sociale et des biens matériels. Ils vendaient. Ils achetaient. Ils bâtissaient leur propre maison. Ils plantaient. Vous voyez bien mes frères. Ils se sécurisaient eux-mêmes. Ils sécurisaient la vie sociale. Wana ukingo maisha ya kawaida. Tout en oubliant alakini mukusabu, l'œuvre du Seigneur. Kazi ya Mungu bana isabu. C'est vrai. Bia kweli. Ils se disaient. Walikuwa naambiana. Pour avoir la force de bâtir la maison de l'Éternel. Juu awe kupata nguvu ya awe kuyenga nayo nyumba ya Mungu. Il faut avoir quelque chose dans le ventre. Il n'a pas joué qu'on a chakula, mutumbo. Nous devons travailler la terre. On n'a pas joué tumika mashamba. Nous devons cultiver. On n'a pas joué lima mashamba. Pour avoir de la nourriture. Nous devons partir chakula. Alors nous aurons la force de travailler. Vale, pour le Seigneur. Nous avons nguvu ya kumtumikia Mungu. Nous allons acheter, nous allons vendre. Tutauzisha na kununua. Pour avoir un peu d'argent. Tupate kufedha. Afin de nous occuper de notre vie. Ili ndio tuhangaikie maisha yetu. C'est vrai. Bia kweli. Ils sécurisaient leur vie sociale. Pourquoi natafuta ukingo wa maisha yabo? Tout en oubliant l'œuvre du Seigneur. Alakini mukusabo kazi ya Mungu. Pour laquelle ils étaient rentrés. Inye barirudia. Écoutez-moi Église de Kambo. Munisikie kanisa Kambo. Dieu ne justifiera personne. Mungu hawezi kuhesabia haki mtu qui abandonne son œuvre. Ula anaacha kazi yake à cause des difficultés de la vie. Kwa ajili ya magumu ya maisha. Non et non. Kamwe, et non, Mungu hawezi kuhesabia haki. Kamwe, kamwe. Il n'y a aucune raison. Hakuna sababu hata moja. Il n'y a aucune justification. Hakuna kujisabia haki hata kumoja. Que l'homme peut présenter devant Dieu. Ile mtu anaweza kumuonesha Mungu. Pour abandonner l'œuvre de Dieu. Ya kwamba njo kinye na aliachia kazi yako. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non bien aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Il pouvait se dire. Waliwezi hata kusema. Nous allons travailler fort. Tutatumika nguvu sana. Pour avoir suffisamment d'argent. Si tupate fedha mingi. Quand nous aurons l'argent. Wakati utapata fedha. Cet argent va contribuer. Ile pesa ndio itasaidia. À la construction de la maison de Dieu. Majengo ya nyumba ya Mungu. C'est un mensonge. Ilikuwa ni bongo mtupu. Ce n'était pas ça. Haikukua ile. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Haikukua mapenzi ya Mungu ile. Non bien aimé frère et sœur. Hapana ndugu na dada mpendwa. Non bien aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Écoutez bien mes frères. Munisikie mzuri wapendwa banduku. Tous les temps, wakati yote. Tous les temps, wakati yote ont toujours été durs. Inekalaka paka ya nguvu. Pour les gens. Mbele ya bantu. Mais c'est pendant ces temps durs. Lakini ni mwile wakati ya magumu. Qu'il faut aussi travailler dur. Jo mwile napashi kutumika nguvu. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Jo maendeleo ya kazi ya Mungu. C'est vrai frère. Les temps sont durs, c'est vrai. Mais il faut toujours travailler pour le Seigneur. C'est vrai. Il passait des moments difficiles. Ils avaient des ennemis partout. Ils devaient combattre de l'intérieur comme de l'extérieur. Et l'œuvre de Dieu était devant eux. Mais ils ne pouvaient à aucun cas abandonner l'œuvre de Dieu pour s'occuper de leurs affaires. Non bien aimé frère. Non bien aimé sœur. Quiconque abandonne l'œuvre de Dieu pour se plonger dans ses affaires, Dieu ne fera jamais prospérer ses affaires. Frère, Duku, ma soeur, dada yangu, la bénédiction baraka vient de l'Éternel. Inatokea kwa wa milele. La Bible dit, nasema, c'est la bénédiction de Dieu baraka ya Mungu, qui enrichit. Jo iku natajirisha. Ce n'est pas par vos efforts. Aina kwa nguvu yako. Ce n'est pas par vos calculs. Aina kwa mahesabu yako. Non bien aimé frère. Vous abandonnez la parole de Dieu. Unaacha neno la Mungu. Voyez. Unaona. Vous abandonnez l'œuvre de Dieu. Unaacha kazi ya Mungu. À cause des difficultés de la chair. Kwa ajili ya magumu ya maisha. Vous plongez dans vos affaires. Unajitumbukiza biashara yako. Vous ne serez pas béni. Hauwezi kubarikiwa kamwe. Au contraire. Kwa kinyume. Vous n'y récolterez que échec. Utapokea mtu paka kukosewa. Échec, kushinda. Kushinda utaendelea. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. En d'autres termes, unamna nyingine ya kusema. Abandonner l'œuvre de Dieu. Kuacha kazi ya Mungu. Pour s'occuper entièrement de ses propres affaires. Ya kuhangaikia kabisa makazi yako. Ne fait que vous amenez la malédiction. Itaendelea paka kukuletea laana. Lorsque vous abandonnez l'œuvre de Dieu. Wakati unaacha kazi ya Mungu. Vous vous occupez plus de vos affaires. Unahangaikia zaidi makazi yako. Unapashi kujua. Que Dieu n'est pas content de vous. Ashikufurahikie na bila unafanya. C'est vrai. Bia kweli. Ils ont commis une grosse erreur. Barifanya kosa munene. La même erreur que nous faisons même aujourd'hui. Kosa moja moja ile tukunafanya na sisi leo. Si Dieu nous a appelés. Kama Mungu alituita. Frère. Duku. Nous sommes venus à ce message. Tulikuja kwa hii ujumbe. Avec un seul objectif. Na kifukuzio kimoja tu. un seul objectif, c'est nous préparer avec la parole restaurée pour aller dans l'enlèvement. Nous n'avons pas de but. Un seul but, nous préparer pour l'enlèvement. Et Dieu a donné à cet âge de l'Odyssée un âge incertain. Un âge dans lequel toutes les mauvaises choses ont été prédites. Là de la Odyssée n'est pas facile. Hein? Il y a tant de difficultés dans la Odyssée. Mais c'est au milieu des difficultés qu'on sert le Seigneur. Frère, je n'ai jamais vu dans n'importe quelle époque où l'œuvre de Dieu s'est fait dans la paix. Non. L'œuvre de Dieu s'est fait toujours en difficulté. Vous voyez même dans la prophétie de Daniel. Et si la reconstruction s'est faite en des temps fâchés, ce n'était pas un temps de paix. Regardez quand Israël est retourné de l'Égypte. Il était sur son territoire. Mais il devait combattre. D'un côté, il y avait les ennemis. Il avait des ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Il n'y avait pas de maison. Ils sont restés en captivité pendant 400 ans. Voyez, mais sur le retour, après avoir retourné dans le pays natal, où il n'avait presque rien, il devait combattre les ennemis, il devait nourrir leur famille, il devait bâtir leur maison, parce que les maisons qu'ils avaient trouvées ne pouvaient pas tous les suffire. Je vais travailler. C'est vrai, frère. Nous pouvons prendre beaucoup d'exemples. Regardez quand la parole de Dieu est allée chez les nations. Quand la parole de Dieu est allée chez les nations. Quand la parole de Dieu. Quand les apôtres ont commencé à répandre la parole dans l'âge d'Éphèse, tout le monde appréciait les apôtres. Ils étaient combattus. Tout le monde ne les aimait pas. On les jetait en prison. C'était des gens pauvres. Ils n'avaient rien. Mais néanmoins, leur souffrance, leur pauvreté ne pouvait jamais empêcher l'œuvre de Dieu. C'est lui qui abandonne la parole de Dieu. Qui abandonne l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est pauvre. Dieu ne le justifie pas. Il commet une grosse erreur. C'est vrai, frère. Agé raconte cela. Le prophète Agé. Nabi Agé. Raconte cela. Regardez. Le prophète Agé. Nabi Agé. Agé chapitre 1. Agé Suraya Kwanza. Vous pouvez commencer au verset 1. Pour aller un peu plus vite, je vais au verset 2. La deuxième année du roi Darius. Allons au verset 2. Darius, Musare Yapili. Ainsi par l'Éternel des armées. Ce peuple dit. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Écoutez. Comment ce peuple est raisonné. Dieu les retourne dans le pays pour bâtir la maison de Dieu Arrivé dans le pays, il dit, ce n'est pas encore le temps de rebâtir la maison de Dieu. Dans Ézéchiel au chapitre 11, nous allons retourner à Agé. Vous gardez la main là-dessus. Dans le verset 11, dans le chapitre 11, Ézéchiel chapitre 11, dans le verset 2 à 3, et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils à cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. Écoutez comment il disait. De mauvais conseillers. Ils ont dit aux Juifs, commençons d'abord par bâtir nos maisons. Parce que pour bien servir le Seigneur, vous devez avoir une maison. Tu ne vas pas rester en l'air en train de baptiser la maison de Dieu. En train de bâtir la maison de Dieu. D'abord, bâtissons nos maisons. Ayons de l'argent. Lorsque notre vie sera stabilisée, à ce moment-là, nous allons bâtir bien la maison. La ville elle-même que nous avons trouvée, les chaudières, et nous-mêmes jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore la viande. C'est-à-dire, nous pouvons être tués par n'importe quand, à n'importe quand, par nos ennemis. Nous n'avons aucune sécurité. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Ils ont mal réfléchi. Et ils ont eu de mauvais conseils. Bien-aimés frères et sœurs, n'acceptez jamais un conseil qui vous détache de l'œuvre de Dieu. N'acceptez jamais un conseil qui vous décourage dans la foi. Tout découragement vient de l'ennemi. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. D'abord bâtissons nos maisons. Et Dieu les a observés. Mais ce peuple ne comprend pas. Je les ai ramenés. C'est pour qu'ils bâtissent ma maison. Mais voilà comment ils réfléchissent. Dieu envoie le prophète Agé. Dans Agé chapitre 1. Agé sura ya kwanza. Commençons verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrisées? Décoré. Quand cette maison est détruite, vous voyez ici, j'ai attiré votre attention. Regardez comment Dieu réfléchissait. Et comment ce peuple réfléchissait. Le peuple de retour sur le pays natal, il voulait d'abord déstabiliser. Il voulait stabiliser leur vie sociale. Et ensuite faire l'œuvre de Dieu. Mais pour Dieu, il fallait d'abord qu'on achève l'œuvre de Dieu. Après que l'œuvre de Dieu soit achevée, leur vie sera stabilisée. Maisha yabo itakuwa na starehe. Kisha. Écoutez. Sikilizeni. Frère. Duku. Il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu tu. Qui peut stabiliser. Anawezi kuleta ustarehe. Qui peut bénir. Anawezi kubariki. Qui peut donner la paix. Anawezi kuleta salama. Qui peut donner la joie. Anawezi kuleta furaha. À son peuple. Kwa taifa yake. La, l'argent que nous pouvons avoir, Pesa, les maisons que nous pouvons avoir, Manyumba, la paix que nous pouvons avoir, Salama, la sécurité que nous pouvons avoir, Ukingo, ne peut pas venir d'ailleurs si ce n'est de Dieu. C'est Dieu seul qui est notre bouclier Mungu peke en toutes choses. Mubitu biote ni paka Mungu. Vous voulez la paix, Salama, restez avec la parole. Uvake na neno la Mungu. Vous voulez l'argent, unapenda fedha, honorer la parole. Uheshimu neno la Mungu. Vous voulez n'importe quoi. Unapenda izuru kitu gani? Le progrès social. Maendeleo. Le progrès économique. Ya maisha ya uchumi. La stabilité sociale. Ustarehe ya maisha. Progrès économique. Maendeleo ya uchumi. Commencez d'abord. Uanzie kwanza. Par servir Dieu. Umutumikia Mungu. Ça vous sera donné après. Mabaki batakuongezea kisha. C'est ce que Jésus exprime dans sa parole quand il dit. Jo ile Yesu anasema neno lake. Anasema. Cherchez le royaume des cieux. Kwanza kwanza. Et le reste. Kapteni. Vous sera donné par dessus. Ufalme ya mbingu na ile mabaki watamiongezea vitu ya mwili. C'est un cadeau. Ni zawadi. Dieu vous donne après avoir accompli son œuvre. Ile Mungu anampatia kisha mwe kumaliza kazi yake. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Lakini ndio ile watu hawaelewe. Vous nous demandez de rester, de venir tous les jours à l'église. Natuomba tukuje kila siku kanisa. Entre-temps, vous nous demandez la cotisation. Tena, la cotisation pour que la construction avance. Mchango juu ya maendeleo ya majengo. Est-ce qu'en venant tous les jours à l'église? Lakini mkuja tu kila siku kanisa. Nous donnons l'argent pour achever la maison de Dieu. Tapata fesa juu ya kumaliza majengo. C'est un raisonnement démoniaque. Ni mafikiri ya kishetani. En venant tous les jours à l'église. Mkuja kila siku kanisa. C'est à ce moment-là. Ni mwile wakati. Que nous recevrons l'argent. Zotu tapata pesa ya kuendelea kazi ya Mungu. La Bible dit, Biblia inasema kuwina sarishire huko na dependre ça dépend na mawakati de temps. Et notre Dieu, Mungu wetu, c'est lui qui crée Dieu nje kuna umba les temps et les circonstances. Mambo na manyakati ni yeye. Si Dieu ne crée pas les circonstances, kama Mungu achi, et le temps pour te donner l'argent, mambo fulani na mawakati tu pate pesa, ata unakesha, peu importe même si tu veillais, ata unetosha lamu, même si tu te blessé, tu n'auras jamais d'argent. Ou te dit-tu ça bien boule, tu peux te maltraiter pour rien. Mais quand vous servez Dieu, wakati unamtumikia Mungu, il va créer les circonstances. Yeye ataumba wakati. Et le moment favorable pour que tu aies l'argent. Mambo juu upate fedha, yeye ndio atafanya upate fedha. C'est là où nous ne comprenons pas. Je parle à toi, le wekitu. Dieu voulait d'abord que son peuple, Mungu alipenda kwanza taifa yake, retourner à Jérusalem. Irudie ku Yerusalemu. Premièrement, yangaikie kwanza sa maison, nyumba yake. Et Dieu s'occuperait du reste. Na Mungu na yeye atangaikie ile inabakia. Occupons-nous de l'œuvre de Dieu. Wangaikie kazi ya Mungu. Occupons-nous de Dieu et de sa parole. Wangaikie Mungu na neno lake. Lui aussi s'occupera de nous. Yeye naye atatuangaikia baadaye. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Et on dit, bon, on dit, le temps de rebâtir la maison de Dieu n'est pas encore là. Nous sommes dans la période de nous stabiliser. Dieu vient leur dire. Mungu akakuwa kuambia. Est-ce que c'est ça le moment? Eti njo wakati ya kuikala manyumba yenu yenye kupamba mzuri. Wakati ile nyumba yangu inapomolewa. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu vis comme un démon. Tu n'es même pas. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Mais alakini, vous vous occupez seulement de la chair. Unangaikia tu mwili bule. Où t'es dans la vie? Où iras-tu avec tout cela? Où t'es dans la vie? Où iras-tu avec tout cela? Il n'y a pas de sécurité dans le matériel. Amuna ukingo mubitu ya kimwili. Tu peux construire une maison unawezi de 100 000 $100,000 dans un seul jour. Ta maison peut s'échanger ensemble. Nyumba yako inaweza kubadilika kuwa majivu. Dans quelques heures. Mu madakika, mu masaki doko. Toute ta maison. Nyumba yako moto mzima. Avoir une maison de 100 000 dollars. Unaweza kuwa na nyumba ya $100,000. Où tu as décoré les choses de valeur de $50,000. Wala unapamba na vitu ya $50,000. Mais dans moins d'une heure. Vaut 150 000 dollars yako ile inakuwa tu majivu, inalungua majivu. Tu peux construire des magasins. Unawezi kujenga maduka. Qui coûte 1 milliard. Yenye kuwa na bei ya 1 milliard. Dans 10 minutes. Alakini mudakika 10 tu. 10 milliards ile inabadilika kuwa majivu. Mais c'est lui qui se repose. Alakini ule anapumzika. À l'ombre de Dieu. Mukivuri ya Mungu. Sans argent. Bila pesa. Sans une. Mustaki tamote. Milliardaire. Anawezi kuwa mtu wa mamiliara miliara ya pesa. Nous devons comprendre les choses de Dieu correctement. Nous ne sommes pas comme les autres. Si, hatuna sawa watu wengine. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Du Dieu tout-puissant. Na batoto ya Mungu wa uwezo wote. Donc, il n'y a rien. Ule manake mbele yake. Il est impossible. Hakuna kitu hata kimoja kisipowezekana. Ce qu'il veut faire. Il anapenda kuifanya. Il veut certainement. Ataifanya hakika. Nous devons avoir confiance au Seigneur. C'est vrai. Bien kweli. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Est-ce que c'est le temps pour vous? Eti njo wakati kwenu. D'habiter vos demeures. Ya kuikala manyumba yenu. Yenye kupamba mzuri. Pendant que wakati ile, cette maison est détruite. Nyumba yangu inabomolewa. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wamilele anasema. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Et puis ça, son milieu, on m'a dit, c'est un asthma. Considérez attentivement vos voix. Mwangari shiche mzuri manjia yenu. Écoutez. Musiki. Considérez attentivement vos voix. Mwangari shiche mzuri manjia yenu. Vous semez beaucoup. Munapanda mingi. Et vous récoltez peu. Alakini mwanafuna kidogo. Vous mangez. Munakula. Et vous n'êtes pas rassasié. Alakini amushibe. Vous vivez. Munakunywa. Et vous n'êtes pas désaltéré. Amu, vous êtes vêtu. Munava. Et vous n'avez pas chaud. Amunane kifukutu. Le salaire de celui qui est à gaz. Mushara ule mwenye kwa mungu. Tombe dans un sac troué. Inangukia mumufuko ya kutaboka. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Mwangalishiche mzuri manjia montez yenu. Sur la montagne. Mupande pa mlima. Apportez du bois. Mulete miti. Bâtissez la maison. Mujenge nyumba yangu. J'en aurai de la joie. Minta furai. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Na mtatukuzwa, hivyo milele anasema. Vous aviez. Vous comptiez sur beaucoup. Mulikuwa na tumainia vya mingi. Vous comptiez sur beaucoup. Mulikuwa na tumainia pa vya mingi. Et vous avez eu peu. Sasa munapata kidogo. Vous l'avez rentré chez vous et j'ai soufflé là-dessus. Na tazama mimi na pepula pa bintu yenu. Vous avez rentré chez vous, l'avez rentré chez vous. Murirudia kwenu. Vile vya mingi muribilurisha manyumba yenu. Ah, beaucoup de ce que vous avez amassé, vous les avez rentré. Mais j'ai soufflé dessus. Alakini mimi na pepula po. Pourquoi? Dieu a nini? Dit l'Éternel des armées. Kwa milele wa majeshi anasema. À cause de ma maison qui est détruite. Kwa ajili ya nyumba yangu yenye ubomolewa. Tant que vous vous empressez. Wakati ile chacun pour sa maison. Kila mtu kwenda ku nyumba yake. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Chokomana munakosewa na ulumande. Et la terre a refusé ses produits. Na bulongo munakatala kumizalia matunda. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Écoutez comment Dieu parle clairement. Sikilizeni namna gani Mungu anasema wazi. Mungu anasema na Israeli na bale baba kutoka mbufungwa. Je vous ai rentré. Na limirudisha. À Jérusalem. Mu Yerusalema. C'est pour rebâtir ma maison. Nicho mpate kuyengulula nyumba yangu. Ce n'est pas pour rebâtir votre aina nyumba yenu hapana. Ce n'est pas pour habiter dans vos maisons décorées. Aina jumu ikalo manyumba yenu pamba mzuri. Ma maison est détruite. Wakati ile nyumba yangu mimi Mungu inapomolewa. Vous n'avez pas été attentif. Moyo mkoteke sikio. Chaque fois mara, que vous vous êtes occupé de vos affaires, vous n'avez pas prospéré. Vous travaillez beaucoup, sana, vous gagnez peu. Kidogo, même si que vous rentrez à la maison, ne vous suffit pas. Aimieneye. Même si vous rentrez beaucoup, j'envoie une maladie, magonjwa, une majaribu, une magumu. Vile vyote mulipata navyo. Mina pepula hapo mi Mungu. Vina pepuka. Oui, bien, mes frères. Naona ndugu mpe. Parce que vous n'êtes pas occupé. Jua mkwangaikie kazi yangu. Frère. Duku. Ma soeur. Dada yangu. Si tu veux que la maladie s'éloigne de toi, kama unapenda magonjwa yende mbali nawe, les difficultés de la chair, magumu ya mwili ya maisha, s'éloigne de toi, yende mbali nawe, commence d'abord, wanzie pombele, par accomplir l'œuvre de Dieu, kutimiza kazi ya Mungu. Voyez bien mes frères, unaona ndugu mpeni, voyez bien mes sœurs, unaona dada mpeni, vous laissez votre âme en lambeaux, unaacha nafsi yako bilaka, mais vous laissez être vêtu, lakini wapenda uvale, par orgueil, na kiburi yote majivuno. Vous voyez, unaona, pour être vu des gens. Tubantu tuba kuone. Non. Apana, ina vile. Nous devons d'abord kwanza, accomplir l'œuvre de Dieu utilise dans nos âmes. Kazi l'œuvre ya Mungu de Dieu doit s'accomplir dans nos âmes. Na, kazi ya Mungu itimizwe munafsi yetu. Et le reste nous sera donné. Na mabaki tatupewa. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpendwa. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpendwa. Quand vous négligez l'œuvre de Dieu, wakati unasula kazi ya Mungu, vous ne serez pas béni dans vos activités. Hawezi kama kubarikiwa makazi yenu. Vous dormez. Munalala. Kama uko na sula, si vous négligez kazi ya Mungu, l'œuvre de Dieu, munafsi yako, dans votre âme, na mumaisha yako, et même dans votre vie, hautabarikiwa hata mkitu kimoya, vous ne serez mubintu ya kimwili, jamais béni dans tout ce que vous faites matériellement. Mateso yote, toutes les souffrances, et les frères et les sœurs sont en train de copier, c'est eux-mêmes qui les recherchent en refusant d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils croient que c'est par leur force qu'ils auront la vie facile, qu'ils vont stabiliser leur vie. Cela est faux. Nibia bongo. Cela est faux, frère. Nibia bongo ntoko yango. Tu abandonnes la parole de Dieu. Na nafsi yako na njala. Tu laisses ton âme affamée. Une semaine, deux semaines. Juma mzima sans manger. Trois semaines, uko ma commerce. Na juma tatu, wako, dans le commerce. Mungu anako. Chez toi, Dieu n'est pas là. Kila kitu kukupa ni upate franga. Ta préoccupation, c'est d'avoir l'argent. Unaacha kanisa. Tu abandonnes l'église. Tu abandonnes la parole de Dieu. Na nafsi yako. Na nafsi yako ya njala. Tu abandonnes ton âme affamée. Unaenda kuhamia kwa mashamba. Tu vas t'installer au champ. Pour toi, l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu, n'a pas d'importance. Aina na mafa. Uko na fona kazi ya bumpunda. Tu fais un travail d'un cheval. Frère. Tugu. Kama uko na lima mashamba. Si tu fais les champs. Pumuji yenyewe ile kunenda na mashamba. Même le souffle de vie avec lequel tu travailles, ça appartient à Dieu. Ataka mako na mpumuji. Même si tu as le souffle de vie. Nguvu ile uko nayo. Afya njema la force que tu as, ça vient de Dieu. Même la semence elle-même que tu vas mettre dans le sol, ça appartient à Dieu. Le sol lui-même appartient à Dieu. La pluie appartient à Dieu. Le souffle de Dieu. Dans tout ce que tu fais là au champ, qu'est-ce qui t'appartient? Tout homme qui fait le champ, il devait faire son champ avec sagesse et avec Dieu. Fais le champ, mais néanmoins garde la parole de Dieu. Même si tu fais le commerce, le souffle de vie et même la force que tu as pour monter le véhicule, c'est Dieu qui te l'a donné. Si Dieu te ravissait le souffle de vie, est-ce que tu auras la force de monter le véhicule? Non bien mes frères. Apana ndu kumpendwa. Biote bila ambao kuna uza na huko na ujisha. Tout ce que tu achètes tu le vends. Ça ne t'appartient pas. Vinatoka kuma umbile ya Mungu. Ça vient de la création de Dieu. Amuna kingu yako hata kimoja. Il n'y a rien qui t'appartient. Mais c'est Dieu qui est riche en tout. Mungu ndio mtajiri mu biote. Oui bien mes frères et sœurs. Dio ndu kuna dada mpendwa. C'est ça l'erreur que ces gens ont commis. Je cosa ile wa watu walifanya. Au lieu de chercher Dieu. Bali ya kuanzia kutafuta Mungu. Au lieu de construire la maison de Dieu. Bali ya kuanzia hapo kujenga nyumba ya Mungu. Ils ont commencé à se stabiliser. Boba kanza kutafuta usare ya maisha. Vous voyez bien mes frères. Naona ndu kumpenda. Ils cherchaient l'argent. Bali kwa natafuta pesa. Jenga manyumba. N'est-ce pas? Eti. N'est-ce pas l'esprit et aina njoro actuel qui anime les gens? Ile unaongoza watu leo. N'est-ce pas l'esprit actuel qui anime les gens? Et aina njoro ile kuna sura basi. Alors que le retour du Seigneur Jésus-Christ. Kuja tu kwa Yesu Kristo. Aujourd'hui dimanche vous semblez être là. Leo siku ya juma mnaonekana kama mkwa. Mko mkashimiri mkasita. Tout le monde est dans ses affaires. Bantu bote banenda makazi yabo. Wewe bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Tutumike makazi yetu. Faisons notre travail. Kisha kutumika kazi ya Mungu. Après avoir servi d'abord Dieu. Premièrement, de l'œuvre de Dieu. Premièrement, Dieu. Après, si. Ensuite, nous. Quand, premièrement, l'œuvre de Dieu. Numa, après notre travail. Si notre travail numa, vient avant numa, et que Dieu vient après, vale, à ce moment-là, nous sommes maudits et nous n'aurons jamais de bénédiction. Kama unatangulisha makazi yako. Si d'abord tu précèdes ton travail. Mungu namweka kunyuma kumweka kumkongo. Dieu vient en deuxième position. Ujua kusema uko mulana. Sachez que tu es dans la malédiction. Hautapata kintu. Tu n'auras rien. C'est vrai. Bia kweri. Utenda mu commerce unafanya. Tu vas aller dans les commerces, tu fais n'importe quoi là-bas. Unapata 5 000 dollars, $5,000, tu te dis que ça va t'aider. Pale tu $5,000, unakuya na, hakuna ta mtu mwanaita kuiua. Et quand tu vas avec ton $5,000, personne ne le sait. Jo sasa mambo inaanza kutokea. C'est alors que les problèmes vont commencer à surgir. L'un vient à gauche, l'autre vient à droite. Unasema hautajizuiza. Ile mambo iko natoka. Toutes ces difficultés qui vont. Iko natoka mnamna kusema usijizuize ku dépenser. Ah, ces problèmes qui arrivent, ça arrive de manière à ce que tu ne puisses pas. Pale unaenda kubeba ka $50. Et sortir tout l'argent que tu as. Inaisha. Et dès que tout l'argent termine, et même les difficultés s'arrêtent. C'est comme ça que Satan fait. Dieu vit le chétanie qu'on a fanya. Oui bien mes frères. Dieu nous compendoa. Ce n'est pas par notre force. Aina kongu vyetu. C'est pas l'esprit de Dieu. Ni kupitia roho ya Mungu. Que nous pouvons gagner quelque chose dans notre vie. Tu n'as pas eu kitu fulani maisha. Oui bien mes frères. On a un tout compendo. Notre Dieu est miséricordieux. Mungu wetu ni warema. Il aime notre paix. Anapenda salama yetu. Il aime notre joie. Anapenda furaha yetu. Mais nous aurons la paix et la joie. Alakini kwa na salama na furaha. Salama avec Dieu. Alakini ni pamoja kwa na Mungu. Nous honorons sa parole. Kama tumeshimu neno lake. Oui bien mes frères. Dieu nous compendo. Oui bien mes sœurs. Dieu dada compendo. Unenda. Tu vas creuser les pierres ou les minéraux. Tu passes lui, là où tu fais ton travail, tu ne sais même pas que Dieu est là. C'est comme si c'est toi Dieu qui a créé les montagnes. Et même les minéraux que tu cherches, c'est Dieu qui les a créés. Et même la force avec laquelle tu vas travailler, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu es un homme qui réfléchis. Accomplis d'abord l'œuvre de Dieu. Et que ton œuvre vienne après, ton travail oui, vienne après. Dieu te compendo. Oui bien aimé sœur. Dieu t'adampendo. C'est vrai. Mais ils ont oublié cela. Alakini barisa bokufanya vile. Ils ont dit. Barisema. Le temps pour bâtir la maison de Dieu. Wakati n'est pas là. Ya kunyenga nyumba ya Mungu ya enea. Pour se préparer. Wakati ya kutayarisha. Pour l'enlèvement n'est pas encore là. Ya kunyanyuliwa ya fika. Le temps de chercher l'argent. Ya pambele ni wakati ya kutafuta pesa. Étudier nos enfants. Ya kufundisha watoto. De bâtir nos maisons. Ya kuyenga manyumba yetu. Vous voyez. Munaona. De faire des champs. Ya kulima mashamba. Le temps de Dieu viendra. Wakati ya Mungu yo itafika. C'est un mensonge. Ile ni vya bongo. Diable. Ya ce sont les conseils qui viennent de l'ennemi. Ni mashauri ya kutokea kwa adui. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Cette ville. Hii muji. A eu de mauvais conseillers. Ilipata mashauri babaya. Qui leur disent. Benye kubambia. Que le temps. Ya kwamba. Pour rebâtir ma maison. Wakati ya kuyenga nyumba ya Mungu. Haiyafika. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. Ils ont commis une très grosse erreur. Ils vendaient, ils achetaient, ils bâtissaient, ils plantaient, ils sécurisaient leur vie. Vous voyez, mais ils ont oublié l'essentiel. Regarde comment même Dieu dit. Pour nous, les chrétiens, il dit, anasema, munapenda mbarikiwe. Payez seulement votre dîme. Mulipe tu chekumi yenu. Et votre offrande. Na sadaka yenu. Mettez-moi à l'œuvre. Munipime. Et voyez si. Muone kama. Vos maisons ne seront pas remplies de vie. Manyumba yenu haita jiana na bitu. Vous n'aurez pas de place où les mettre. Na kama mutakosa c'est nafaja kujiweka. Ula anasema hivi. C'est le Dieu tout puissant. Ni Mungu wa uwezo wote. C'est lui qui ne peut pas vous mentir. Ula wezi kumilanda kamwe. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mon épime. Voyez bien mes frères. On a un tout compagne. Voyez bien mes sœurs. On a un adampendo. Israël a son retour. Israël, il a commis une grosse erreur. Alifanya kosa munene. Comme les frères et les sœurs. Taka vile sabantu kuna badada. Bale batoko mazebo. Ni ukiri se message. Bali amini ujumbe. Pour aller dans l'enlèvement. Ya kunyanyuliwa. La plupart. Bamingi. N'attendent plus le retour du Seigneur, la plupart se sont lancés à stabiliser leur vie sociale. Wanajitumbukiza juu kwa na maisha ustarehe, ukingo ya maisha. C'est pourquoi Joko mana, le ciel nous est fermé. Bingu wanatufungia yo. Les gens travaillent beaucoup. Watu wanatumika sana. Mais ils gagnent peu. Alakini wanapata mapato kidogo. Pourquoi? Juu ya nini? Moi, ma maison est détruite. Nyumba yangu yo ile inapomoka. Mon œuvre est délaissée. Kazi yangu ile munayacha. C'est vrai, frère. Il y a ici une grande leçon sur laquelle nous pouvons rester d'une manière évangélique. Parlez encore beaucoup de choses. Vous semez beaucoup. Vous récoltez peu. Voyez. Pourquoi? Parce que vous avez négligé mon travail. Vous avez négligé mon œuvre. Ma maison est détruite. Mais la véritable maison que Dieu veut voir être reconstruite, c'est ton âme. Voyez bien mes frères. Dieu veut que ton cœur, que ton âme soit reconstruite avec sa parole. Ngululwe na neno lake. Kuyakanika roho yako neno la Mungu. Installe ton cœur. Afin que Dieu puisse y construire sa maison. Mais aussi longtemps. Wakati yote ile. Que tu n'es pas encore l'habitation de Dieu. Auya kwa makao ya Mungu. En esprit. Mukiro. Ta maison est délabrée. Nyumba yako inakuwa imepomoka. Voyez bien mes frères. Unaona mtu kumpendwa. Vous n'avez même pas le droit de manger si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Hauna hata na ruhusa ya kula kama huyapata Roho Mtakatifu. Vous devez jeûner. Ndio basi ufunge chakula. Kase que le Saint-Esprit. Ufika na pale. Roho Mtakatifu. Quand le Saint-Esprit viendra. Wakati utapata Roho Mtakatifu. Il vous apportera. Atakuletea. Toute la bénédiction nécessaire. Baraka yote ya mafao. Dans cette église j'avais dit. Mwika nisa nalisema. Que le Saint-Esprit pour nous. Ya kwamba Roho Mtakatifu kwetu. Ne pas seulement une bénédiction. Aina tu baraka bule. Ya kiro. C'est aussi une bénédiction. Iko tena baraka. Financière. Ya kifedha. Matériel. Ya kibitu. Social. Ya uchumi. Il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu. Qui amène satisfaction. Dieu kunaleta furaha. À un homme. Wa mutu. C'est vrai frère. Bia kweli ndugu. Mais si vous le négligez. Alakini kama ukimusula. Vous négligez votre vie. Unasula maisha yako kushima mwako. Bwana Mungu embariki. Nous continuerons. Tutaendelea. Avez-vous compris? Et munaelewa? Voilà l'erreur. Jokosa. De ceux qui sont retournés. Yabale barirudia. Nous aussi Dieu nous a retournés dans la parole. Na sisi Mungu anaturudisha mneno lake. Aujourd'hui. Leo. Le message de la restauration. Ujumbe wa kurudisha. Est avec nous. Iko pamoja nasi. Mais qu'est-ce que tu fais? Sasa unafanya nini? Avec cette parole. Na hii neno la Mungu. Que Dieu t'a donné. Ile Mungu alikupatia. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu. Tous ces enseignements. Hii mafundisho. Les évangiles que vous suivez. Injili unafuata. Les instructions que vous avez. Maagizo unapokea. Qu'est-ce que vous en faites? Unafanya nayo nini? Tu en fais quoi? Unafanya nayo nini? Tu es seulement là dans l'église. Tu manges, tu bois. Unakula, tu fais les champs. Unafanya mashamba. Voyez, unaona. Tu fais tes commerces. Unafanya biashara. Tu construis des maisons. Unajenga manyumba. Et vous pensez que unawazia kwamba. C'est pour cela que Dieu t'a appelé au message. Joki nye Mungu alikuicha kumjua kile. Hapana ndugu mpendwa. Premièrement, kwanza. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Quand l'œuvre de Dieu. Wakati kazi ya Mungu. Sera achevée. Itamalizika. La bénédiction. Baraka. Sera sur vous. Itakufuata. Parce que Dieu sera content. Mungu atakufurahikia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Levons-nous pour la prière. Usimame juu ya maombi. Ne négligez jamais l'œuvre de Dieu. Usisule kamwe kazi ya Mungu. La négligence Usula. Nous amènera toujours la malédiction. Itendelea kila mara kutuletea laana. Travaillez. Tumika. Mais faites l'œuvre de Dieu. Alakini ufanye na kazi ya Mungu. C'est vrai frère. Ya kweli ndugu. Travaillez. Tumika. Mais ne négligez pas. Alakini usisule. L'œuvre du Seigneur. Kazi ya Bwana. C'est maintenant le temps. Ni hapa sasa ndio wakati. Bâtissez la maison de Dieu. Jenga nyumba ya Mungu. Travaillez à l'œuvre de Dieu. Utumike kazi ya Mungu siku na mchana. Et le Seigneur sera content. Bwana Mungu atakufurahikia. Et il vous bénira. Na atakubariki. Prions nous tous. Tuombe sisi wote. Seigneur merci.